Y'a trop de fils de pute qui aillent tous se mettre un doigt. Les fêtes comme si je n'existais plus. J'ai niqué mon RS3, mon cœur m'a piqué dès que je l'ai vu. Je voulais plonger dans ses yeux, dès que je l'ai eu, je ne la voulais plus. Je ne vais pas jouer un jeu, je tournais un témoin que je voulais tout niquer. J'avais la haine, je pleurais des larmes, le poteau derrière était peliqué. Tu fais pas peur que tu ranges ta lame, je représente les poteaux de la tête. Pas les boîtards les plus jaloux, ils ont peut-être mis un tracker sur ma caisse. Quand je l'ai vu, j'ai vu la lune. C'est un truc de malade. Elle m'a dit pourtant c'est dur. Oh bah ouais mon petit bonhomme, moi je veux vivre la vie de luxe. Je reste pas si y en a d'autres. Mais dis-moi celle-ci tu. Je suis bien avec mes frères, même c'est plus. Mais dis-moi celle-ci tu. Je suis bien avec mes frères, même c'est plus. Y'a trop de gens qui flûtent sur ma maman. Je trop je vais pas te courir derrière. J'en garde ta tête et ça ton derrière. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe avec ton verre. Tu vas me chauffer, là, ton grand-père. Si un jour je la crois, je vais faire le signe de la Rihanna. Cours plus, je fais plus de sport à part quand ça crie à ra. Allez, le sang. Allez, on y va. Allez, le sang. Allez, on y va. Allez, le sang. Allez, le sang. Reste à Marseille, l'Algérino, également Elams dans un instant, grosse dédicace et gros soutien à Elams. Allez le sang, allez le

le monde, Chico. Je suis PNL. Dans les bacs, dans une semaine, nouvel album de PNL. 100% rap français, coup d'envoi des classes. Hugo t'inquiète, nique sa mère, j'm'embête. J'papote avec ma poquette. Gucci c'est obligé, elle quête. Césaire, plutôt coquette. Sous ta gage, j'suis pas genouné. Balèze comme un pocket en fin de journée. Les poches prennent des formes, les poches perdent des formes. Jusqu'à la prochaine fournée. 89, goûte à ma teub. 25 ans d'âge, 25 ans d'âge. Pas dans ta teuf, j'vis sur un teuf. J'monte en étage, j'monte en étage. Raye, raye, raye, raye, je la bute sous le soleil, laye. Ouais. Ouais. Dédicace à John dans sa voiture. Raye, raye, raye, raye, je la bute sous le soleil, laye. Ouais. On est là, eh, hey, vous me regardez, je suis là aussi. Aïe, aïe, aïe. Raye, raye, raye, raye, je la bute sous le soleil, laye. Je maille, je maille, je maille, je maille, puis je m'envole en maille. C'est de la bonne à sa mère. J'sors de la galère. La vie de ma mère. Ram pom pom pom pom. Hella benga benga. Tant dans la ciudad. J'marche le regard amer. Coup du sombrero. A la Mexico. J'n'ai hezbop sur la tête. Tête, tête à hauteur Chico. Fuck fuck amigo. Sors pas tes mythos. Il me faut la black card, il me faut la white widow. T'es pas tard, t'es pas. T'es schlag, j'leur fous ma merde et c'est le bazar. Et puis si t'es bonne, j'ai le fouet. Et puis devant ton bout, j'ai le souhait. Et puis si j'ai parlé avec toi, pétard, j'fais 500 pompes avant les bras à gonfler. Raye, raye, raye, raye, j'la bute sous le soleil, laye. Ouais. Ouais. Notez bien, dans une semaine on fera une nocturne avec le nouvel album de PNL. Tous les sons de PNL la semaine prochaine dans la nocturne, n'a pas loupé. Raye, raye, raye, je la bute sous le soleil. J'maille, j'maille, j'maille, j'maille, puis j'm'envole en maille, maille. Raye, raye, raye, raye, je la bute sous le soleil. J'maille, j'maille, j'maille, j'maille, puis j'm'envole en maille. Ouais, dédicace à Walid, c'est pour toi ce soir la nocturne Walid et tout le bio c'est bon de Levallois. Bye. Ouais, 100% rap français, coup d'envoi des classiques, je vous le disais. Rap français. Dédicacé à ceux qui rappaient sur beatbox. C'est pour le N3. Le 20-1. Et tu le sais. Pour le 7-7. 1 pour le Nesby. 2 pour le 7-8. 91. Laisse-moi qui fait la vibe. C'est pour Meuro. 92. Répétez les watts pour 95. Ouais. Calmement. Hey, le 3 connection, baba. Husky, bonne mélatitude. Du MIC, j'tire de suite encore titube. Catastrophe,

Brasse-moi sale pute. J'ai du genre à faire, plein de comptes à régler. Pris dans le vice, dans la matrice, peux plus m'arrêter. Jusqu'encore du passé l'été. Il m'en faut plus pour m'impressionner. Négro la rue m'a sélectionné. Paye des halles, cruel, sincère. Mais sur l'argent, sur son p*** seul ma p*** sur rien sert. J'écoute le réquisitoire 8-8-2. Ici on compose de deux, le suppositoire. Les deux sont des A. Je suis une vraie histoire, pas un fantasme. Official depuis la préhistoire. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. La crèche au placard, j'ai trop roulé ma bille. Je te baisse, bâtard, même si c'est la vie. Je suis grave, j'ai GP, on pas changé d'avis. Pour m'arrêter, faudra enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. Deux autres. Petite lyrics, la nocturne. Mon frère, je voulais la gloire. J'ai eu la guerre, je l'ai faite, y'en aura d'autres, c'est la merde. J'suis dans vos toupets, car tous paye. Donne-moi la bouteille, j'tousse pas, me touche pas. Du 9-2, c'est de là que j'touque pas. L'œil de Rocky, les couilles à Rocco. Grand Cherokee et trop de pauvres dans les propos. Tous dans la nanne, pas tous dans la tête, pas. C'est trop tard pour foutre du mascara sur un cocard. Parle mal, mais j'ai la rétine assassine. Le mal par le mal, sont pour les man. Trop de soucis aussi on m'a scié, c'est pas nouveau. Ici y'a que des putes, on serre la main à des canons sciés. Les manques manier la scier pour des bifetons. Micro 357 piton, violent. Depuis les chaînes et les bateaux, je rampe. T'inquiète, aucune marque dans le domaine, je les ai dans le crâne. Je suis arrivé dans le son, trace la guerre dans mes morceaux. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la terre, je t'aurai sans rançon. 500 rancunes, tu bitch, je m'en avec une plume. Je retrace la guerre dans mes morceaux. Et si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la mer, vers le cap sud. Je te résume, je suis bitume avec une chumeur. Je veux fin, rappe fin pour tous mes défunts. La routine, le chocard, la chevrotine, roule en 7K. Du popo en stylo dans mon jean. 100 millésimes, je suis dégoûté comme quand j'étais gras. Rap à l'usine. Contrôler plus à l'urine, j'fais du 0 à 100, une 10 quand j'vois mes ronçons. J'dors sans la fiole, des mars sans fuel. Quand j'vois la France les jambes écartées, j'encule sans huile. J'arrive en ville, brille, repars en ville. J't'aime les représailles, tire en l'air ou dans mes Nike Air. J'me lave à 15h, me couche à 6 du mat, des vœux du mouet. C'est la patate, ouais. Au mic c'est platoon et ça retourne. Car j'ai appris quand y'avait pas de thunes. Alors que tourne la roue, nos rues des fours. Laisse-moi rouler maniaque, ce matin c'est ma liasse. Un bon QI, du courage, un peu de vie, c'est les poulets rôtis. Dans ma team que des numéros 10. J'retrace la guerre dans mes morceaux. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la terre, j't'aurai sans rançon. 500 rancunes, tu le bitume avec une plume. J'veux pas rapper avec les pains, j'écris mon nom sur le banc. Sous écrou longtemps, mes empreintes de doigts sur le blanc. J'veux peser, baiser, me reposer. Mes dos OBA, j'roule avec OCB. 3, 4, 5, 6 tasses à la semaine. Et si ça pue le casse de la casquette à la semaine. J'suis qu'un missile. Qui départ 45, dopé au shit à la soul, au rire à la smoule. On sort pas du tchap, pas du chaga. Et à chaque album d'une autre époque de chaka. Juste ma caca avec une plume, ne sent plus la douleur. Et leur tumeur à la couleur de ce que j'fume. Mon régime à la résine. J'te résume, j'suis bitume avec une plume. C'est la nocturne, si 100% rap français. Pas besoin d'en faire une chanson. 100% classique. Vers le cap sud, je te résume, je suis bitume avec une bleue. Mon meilleur ami de Miami. La guerre dans mes morceaux. C'est la nocturne. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la terre, je te reste sans rançon. Sans rancune, je suis bitume avec une bleue. retrace la guerre. Envoie-moi une carte postale. Si je me fais carnet, pas besoin d'en faire une chanson. On s'élance dans la mer, vers le cap sud. Je te résume, je suis bête, je m'abattais une plume. On trace la guerre dans mon morceau. Si je me fais carnet, pas besoin d'en faire une chanson. On va rester dans le 9-2, on va faire une grosse dédicace à Salif. 9-2, Boulogne, Boulby, Ghetto Youth, dans un instant, Salif. On va en passer une aussi pour Clément, qui se la coupe douce en Corse. Yeah. Dédicace Salif, Greg est là, la famille. Salif, classique nocturne. Il fait 15h du mat stressé, à la ghetto you, bite de cheval dressé, à la ghetto you. La main contre le spoop, à peine les yeux ouverts par la daronne agressée, à la ghetto you. J'suis ZRF, ma vie fait le reste. J'me suis endormi devant le PES. Toujours partant pour un mano à mano. Dans le jeu Adriano, il est ghetto you. Haleine de coyote à la ghetto you. La douche, la boycott façon ghetto you. Un verre de coca et j'me requinque. J'hésite entre les all-stars et les requins. Un petit jean replay, nique sa mère les pipelettes. J'fais ce qui me plaît, même à poil, moi j'suis ghetto you. Y'a pas de fashion, y'a que du cash jeune. Pour on passe à l'action, façon ghetto you. Certitude, ghetto you, qui dit quoi, qui fait quoi. Et pas ça, allez même on part chez toi. Élevé, frère et sœur, à ghetto you. On vit, on meurt, à ghetto you. Certitude, ghetto you, qui dit quoi, qui fait quoi. Et pas ça, allez même on part chez toi. Élevé, frère et sœur, à ghetto you. On vit, on meurt, à ghetto you. Dans mon hall, c'est le Darwa, c'est ghetto you. Premier wange, premier kawa à la ghetto you. Bâtiment y écrit, trop d'allées venues. Les anciens tiennent les murs, t'as le PMU. Premier bolos de la journée, ça c'est pas ghetto you, c'est bingo. Qu'est pas ça, gringo. Dans la mer, tu nages le crawl d'un ghetto you. Tu tournes bien, tu fais du scroll, ça c'est ghetto you. Les renois et les rebeux cherchent des renois et des beurettes. Un conseil, protège le cul de ta sereine. Surveille-la. Ouais, cousin, surveille-la bien, ou elle sera pété le vagin par un ghetto you. Pas de téléphone, t'es un ghetto you. T'appelles ton pote, il décroche pas, il est peut-être au new. Dans ce cas, prépare les timbres et le mandat. Tu vas pas laisser vivre là-bas, à la ghetto you. Certitude, ghetto you, qui dit quoi, qui fait quoi. Et pas ça, allez même on part chez toi. Élevé, frère et sœur, à la ghetto you. On vit, on meurt, à la ghetto you. Certitude, ghetto you, qui dit quoi, qui fait quoi. Et pas ça, allez même on part chez toi. Élevé, frère et sœur, à la ghetto you. On vit, on meurt, à la ghetto you. Cherche du shit, on te la met à la ghetto you. Minuit, c'est la merde pour un ghetto you. Soit tu t'embarques dans une soirée ghetto you. Soit tu montes à la baraque comme un ghetto you. Le même haut, les mêmes gamages de ghetto you. Ça parle de monter sur Paname à la ghetto you. Chercher la crêpe des banlieusards, la crêpe pute et la banane, celle des ghetto you. Une main sur le volant, conduit ghetto you. Dans les cartes de la violence, façon ghetto you. Ici on parle comme des ghetto you. Marche comme des ghetto you. Traque comme des ghetto you. Vous êtes des charmants. Oh, vous êtes. Viens voir, viens voir. Viens voir, putain, ça rase. Viens voir. Fais pas belle Ernie. T'es ici de la Zermi. Tu veux jouer les Gucci, mais t'es une ghetto you. Retour vers le quartier à la ghetto you. Contrôle de tes papiers à la ghetto you. Les hommes en bleu et leur mag life. Le kef c'est pas ce qu'il veut, rien qui blabla. Alors toi, tu fais le ghetto you. Pars en couille comme un ghetto you. T'embrouilles à la ghetto you. Fini en GAV, menotté, sans lacet, au radiateur attaché, comme un ghetto you. Certitude, ghetto you, qui dit quoi, qui fait quoi. Et pas ça, allez même on part chez toi. Élevé, frère et sœur, à la ghetto you. On vit, on meurt, à la ghetto you. avec attitude. Des doyous qui dit quoi, qui fait quoi, et pas ça, elle est même en bas de chez moi. Élevé, frère et soeur, à des doyous. On vit, on meurt à la des doyous. NTM, classique nocturne. Ça, Eddie, à l'écoute. Eddie, elle est. Elle est, mon pote. Vas-y, ramène-toi. Ça arrive bientôt. On débarque chez toi. Allez, double NTM, classique dans la nocturne. Use, use, use. 100% rap français, planète rap. La nocturne. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Pas le moment d'abandonner. Au microphone, le bouc d'en bas, frère, je pète la poule des scalpes. Pas par choix, non, c'est la vie qui veut ça. Et sincèrement, je serai pas. C'est sûr, en aucun cas, grand comme une bêta. Je roule en bas, allez là, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens pas que ça pue, c'est l'état d'esprit qui apprête chez toi. Et pour moi, l'exclusion, c'est aussi simple que ça. C'est rien que du direct live et des choses qui évoluent pas. C'est les mêmes qu'en font les frères. Le peuple subit, subira. Le vent contraire d'un système impotent. Parce que trop lent de tout temps. Pour les problèmes latents, tant qu'il y en a, sauf quand faut se faire réélire. Mais attends,